musique en marge. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Myriam Lortie, sur la zone campus, sera là pour nous parler de l'avant-dernier numéro de l'année. Et on en mangera un petit dernier pour la route avec une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis ce mardi 7 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Ah, je suis tout mêlé. Je sais pas pour toi, ton horaire, si par un congé de Pâques, tu as été tout déboussolé dans tes journées. Ah, ben ça prend pas grand-chose. Hein. Dès la troisième journée, il a fallu que je me couche plus tard, qu'on est à l'extérieur. Ouais. Puis là, tu sais, tu te réveilles plus tard, mais tu fais quand même une sieste. Puis t'es... Ah, quelle idée. Ah. Mais t'apprends tes erreurs voilà. ou tu vas faire la même chose au prochain congé, j'imagine, 9 jours. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toujours la même affaire. Voilà. De mon côté, ben c'est aussi toujours la même affaire. Mes congés, ça donne jamais avec le travail. Donc j'ai travaillé vendredi, dimanche et lundi. Donc je me sens comme jeudi ou je sais pas quel jour. Là. Ah, toi t'es mêlé pour vrai. T'es un peu bizarre. Mais t'es facile à mêler de toute façon, imagine. Ça, c'est c'est mêlant pour vrai, là, pour des gens à leur affaire. À leur affaire, exactement. Et en plus, c'est que je reprends mon congé jeudi. Donc je vais avoir une semaine qui se termine mercredi. Mais je vais venir faire l'émission le matin jeudi. Puis après ça, je vais m'en aller en congé. Fait que t'es comme jeudi pour vrai. Ouais. Genre parce que vendredi demain, ouais, voilà. C'est ça, exactement. T'as tout compris. Bon jeudi tout le monde. Ben bonjour à vous. Ou non, ce n'est pas une reprise, étrangement. D'ailleurs, jeudi passé, j'avais dit on se retrouve lundi. Ben finalement, c'est pas retrouvé lundi. Hein. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent quand tu n'es pas à ton affaire sur les congés religieux. Hein. J'espère que t'as mangé du chocolat un peu. Un peu? Ouais, des petits mouches, je mange du petit coco, là, Lint. C'était excellent. Honnêtement, j'ai passé la semaine à manger du chocolat, fait que en fin de semaine, c'est juste normal. C'est pas le carême, ça veut dire que tu manges du chocolat ou du caroube, c'est ça, carême, hein, je pense? Oui. La nouvelle version 2015. Mm-hmm. Donc, en ce mardi matin, Stéphanie, c'est quand même le retour du congé de Pâques, et étant donné qu'il n'y avait pas de match de la lutte, je ne crois pas qu'on aura Gabriel Béhoud tout à l'heure pour la chronique de la lutte, mais on va quand même en parler, donc ça va être à 8h. Ensuite, à 8h30, Myriam Lortie va être là pour la chronique Zone Campus. Ah! C'est le numéro 15 sur 16, donc l'avant dernier numéro de la session. Oh, oh, ça passe vite. Ah, ok, oui, on va lui en parler tout à l'heure. À 9h, on a l'habitude de manger ou boire quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour la santé. Alors, on appelle ça une grosse pointe d'adresse. Ou Pâques. J'avoue. Si tout se concorde bien, peut-être que ça a un certain lien avec Pâques. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va débuter avec cet fait tout à l'heure. On va voilà. Petit classique. Un petit classique du lundi qu'on fait le mardi parce que Colin. Mm-hmm. On a un trou à remplir. Hein? Voilà. Ouais. Mais on débute très tranquillement, comme le fond nous le laisse croire. Ça va être tranquille avec Émilie Cornu. Je l'appelais Corn Nut, comme des, tu sais, les petits Corn Nuts, c'est des trucs de maïs pas soufflés que tu croques. Qu'est-ce que c'est ça? C'est épicé, hein? C'est des petits trucs de maïs. Là. Ah ouais, corn ouais, nut. Ouais. Oh, barbecue. C'est bon. Oui, oui. Barbecue. Ça goûte les fritos. Ah, c'est bon. C'est une des meilleures collations, ça, que je trouve, moi. T'en bouges, ben oui. Ça satisfait pas mal. Donc, est-ce que c'est Émilie Cornut ou est-ce que c'est Émilie Cornu? Don't care. La voici. Je vais être honnête, je m'en sacre un peu de comment son nom se prononce, tu sais. Mais la voici, Émilie Cornu. Et trois pistoles à assemblage. Froid des larmes, le froid de mon âme. t'engourdis. J'ai des saveurs de nostalgie quand je pense à ton rire qui se durcit. Tu vois pourquoi je l'appelais Cornette, là? Elle est pas très très cornue. C'est pas le genre de fille que tu te dis « Ah, c'est un vrai petit yaube, celle-là! Un petit snappant, toi, mini cornu! » C'était Trois Pistoles, très très douce pièce qui débute bien l'émission, bien sûr. Ça nous amène... D'habitude, on fait ça lundi pour apprendre, parce qu'on veut commencer la fenêtre. La fenêtre? Veux-tu même dire où est-ce que j'ai pris ça? Probablement parce que tu as travaillé sur Windows, exactement. C'est probablement la faute à Windows. Tout est la faute à Windows. Voici, c'est un fait. Oh boy. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fenêtre. Ah, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses ridicules, insolites à apprendre sur la vie de tous les jours. Donc, des choses comme ça qui sont vraies, qui sont véritables, qui sont véridiques. Selon Internet, ce sont des sources vérifiables, même. Même pas véridique, c'est vérifiable. Véridique, véritable et vérifiable. Mais ouais, tu t'es trompé dans tes 3 V. T'as raison, mes 3 V. C'est ton slogan, man. T'as raison, c'est moi qui l'ai inventé. Tu sais, je t'ai écouté. Oui, le slogan. L'affaire qu'on dit en premier, mettons. Après ça, pas sûr. Non. Donc, on a plein de choses à apprendre aujourd'hui. Alors, c'est un fait. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez déjà vu des chiens jouer ensemble? C'est de façon un petit peu rude, si on veut. Et un des chiens commence à éternuer alors qu'il joue. Tu as déjà vu ça? Le chien se met à éternuer? Pas vraiment, non. J'ai jamais vraiment eu l'occasion, de toute façon, dans ma vie, de regarder des chiens jouer. Non, moi, c'est un à la fois, habituellement, les chiens. Donc, c'est pas le même éternuement que lorsque t'as le nez qui pique. En fait, c'est un signal qui dit à l'autre chien qu'ils ne font que jouer. Et ça empêche le tout d'escalader ou de devenir un petit peu plus majeur, quelque chose de plus sérieux. Donc, c'est un exemple de signal canin utilisé pour communiquer des intentions paisibles. Intéressant. Est-ce qu'on reste sur les chiens un petit peu? Non. Non? Suivant. Non. le bâillement. Hein? Donc, votre chien baille peut-être chez le vétérinaire ou après que tu lui aies crié dessus, ben les chiens vont bâiller pour se calmer. Mm-hmm. Toi ou d'autres chiens pour communiquer le fait que ce sera pas que c'est pas méchant. Mais c'est un peu l'équivalent du ronronnement pour le chat. Tu sais, souvent, on se dit « Oh mon Dieu, pourquoi mon chat ronronne chez le vétérinaire? Ouais. » Mais c'est juste pour s'apaiser, c'est pas parce qu'il aime ça, là, détrompez-vous. Ça. Se calmer lui-même, c'est une bonne idée, on devrait tous faire ça. Ronronner. Ronronner, ben plus bailler. Non, quand tu te couches le soir, là, c'est plus comme une perruche. Perdrix, ou je sais pas trop quelle sorte d'oiseau. Un pigeon. Ensuite, sentir le sol. Votre chien commence à sentir le sol. Ok, tu parles encore de chien. Encore de chien, oui. Après l'avoir appelé, de façon méchante, avec une voix un petit peu stressée. Peut-être que ça te fâchait un peu, mais en fait, c'était supposé te calmer de, encore une fois, sentir le sol. Mm-hmm. Ensuite, tournez la tête quand votre chien accueille un chien étranger ou une personne que t'as jamais vue. Voilà, il va tourner sa tête ou ses yeux sur le côté, ou même complètement sur le côté. Donc, c'est pas un comportement de snob. En fait, ça veut dire « je ne te veux pas de mal ». de se tourner la tête. Bref, c'est quand même cool. Et puis, un chien qui... un jeune chiot, tu sais, qui insistait à te donner sa patte. Hein? Donc, tu pensais que c'était pour lui montrer à prendre la patte, mais en fait, c'est qu'en réalité, le chien te touchait pour être amical et pour t'inviter à jouer. C'est ce qu'il fait. Oh, il tend la main. Il tend la main. C'est intéressant, le comportement animal. Justement, en fin de semaine, j'ai écouté... Ben, c'était sûrement une reprise, sinon on enregistre ça puis on écoute ça des semaines plus tard, là. Mais c'était un docu-D à Canal D sur les chiens, les maîtres chiens dans la police. Ah. Et c'était vraiment, vraiment fascinant de voir le comportement du chien ainsi que la relation avec le maître chien. Hein. Parce que je sais pas si tu savais que les chiens habitent chez leur maître chien. Ah, non, c'est donc, c'est vraiment une relation très, très étroite et j'ai trouvé ça fascinant de voir comment ils entraînaient et tout ça. Cool. Donc, c'est tellement brillant. Encore des bonnes émissions à Canal D, entre deux shows d'humour. Je te le jure. C'est cool. Le film The Avengers, tu te rappelles, les gens, si tu l'as vu, mangent des shawarma dans The Avengers. Ok, ouais. Il y a une scène comme ça, bien populaire, apparemment, où ils mangent des shawarma. Ça a augmenté les ventes de shawarma aux États-Unis. Vers la fin du film, Iron Man demande à Captain America est-ce que t'as déjà essayé un shawarma? Il y a une place de shawarma à deux blocs d'ici. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de l'essayer. Donc, les gens qui faisaient le film ont ensuite ajouté un petit peu de bout de film. Donc, ils ont rajouté des images après le générique des vedettes qui mangeaient du shawarma. Donc, les ventes de shawarma ont vraiment explosé. Une place de shawarma disait que ses ventes avaient augmenté de 80% grâce à l'effet Downey. Wow. De Robert Downey Jr. Wow. C'est cool. La scène est sur assemblagerequis.com en lien sur YouTube. Cependant, moi, je préfère les shish tao. Moi aussi, toujours shish tao, c'est le choix par défaut. C'est comme le général tao d'un restaurant où il y a du général tao. Il y a plein d'autres affaires, je sais. Mais je veux le général tao parce que c'est une valeur sûre et j'aime ça. Ah, c'est pas toujours une valeur sûre. Ça dépend où, hein. Il faut qu'ils changent la recette, hein. Ça dépend où. Hey, tu sais, la place où ils ont changé la recette de General Tao, récemment, il y a une place qui avait changé ça. Tiki-mi. Ils ont re-changé la recette. Ils sont revenus à l'ancienne. Ouais, parce que c'était dégueulasse. Ensuite, lorsque le conseil d'administration a essayé de bannir le livre To Kill a Mockingbird, il disait que c'était immoral. L'auteur Harper Lee. To Kill a Mockingbird, juste aller voir en français, c'est quoi? Tuer un oiseau moqueur? Pas tellement. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Voilà. J'étais pas loin. T'étais pas si pire. Donc, c'était immoral. L'auteur Harper Lee a écrit une lettre demandant au conseil d'administration s'ils étaient éduqués. Est-ce que vous êtes illettrés ou lettrés, genre, si on veut? Et elle a donné de l'argent pour les enrôler en première année du primaire. Pour leur payer des cours parce qu'elle trouvait qu'ils étaient pas assez intelligents. Uh-huh. Pour comprendre « To Kill a Mockingbird ». C'était en 1966, au début de 1966. On croyait que le contenu était immoral. Le Hanover County School Board en Virginie a décidé d'enlever toutes les copies du roman classique dans les bibliothèques de l'école. Et aussi qu'elle a reçu l'alerte, elle a répondu comme ça avec une lettre que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Une lettre qui a été publiée plus tard dans le Richmond News Later. Tu l'as dit qu'elle a publié plus tard. Later. T'as dit Later, leader. Ah, t'es drôle. T'es drôle. Un personnage mineur dans Le Retour du Jedi, Nunm, N-U-N-B, a fait que les publics kényans, hein, du Kenya, okay, ont explosé de rire après. Ouais, faut pas faire de blagues sur des explosions de Kenya. Ils se sont esclaffés de rire. Pourquoi pas des. Un attentat récemment, hein, Kenya qui. Oh. Sont morts, puis ça peut déplacer. Bref, ça se peut. Donc ils se sont esclaffés de rire après avoir réalisé qu'ils parlaient le Kikuyu, un langage d'une tribu au Kenya. Donc le personnage de Nienum dans Retour du Jedi parle le Kikuyu. Ok, puis il y a juste eux autres qui ont compris. C'est exact. Donc c'est ça, c'est le personnage préféré qui parlait leur langage. Atirizi Inu Mui Hao Inu De Kai Haha. C'est ce que Nian Noom dit à Lando Calrissian dans le film. Une phrase donc qui a fait rire tout le monde. Tu peux pas le trouver sur Google Translate? Penses-tu qu'il y a cette langue-là sur Google Translate? C'est une excellente question. Toujours pertinent. Mais par contre, Steph, par contre... Ben, dis-le. Moi non, je sais, j'attends que ça charge. Par contre, si on est chanceux, on va pouvoir entendre l'extrait vidéo. Mais ça va pas nous donner la traduction? Non, mais on va entendre au moins... C'est en quelle langue, t'as dit? C'est en Kikuyu. Kikuyu. Simple, ça? Mais on va aller dans un cas si je vois quelque chose de bizarre. OK. Moi, pendant ça, j'ai le clipson quand tu... Le Canada? Mais K-A-N-N-A-D-A. Ah, bon. Non. Attends, j'ai l'extrait. On va se mettre ici. Don't worry, my friend's down there. C'est pas pire, hein? Don't worry, my friend's down there. You'll have that shield down on time. On est en plein between Munich. C'est cute. Oh, mais c'est plate. Moi, je veux savoir ce qu'il dit. Ben, c'est ça. Sûrement quelque chose de bien normal, genre... faites attention lors de votre voyage. Quelque chose de plate, de même une platitude qu'on dit pour être poli. Hein? Surtout quand tu parles à Lando qui a une moustache. Sois poli. Le chanteur italien Adriano Celentano a sorti une chanson dans les années 70 avec des paroles qui voulaient absolument rien dire. Ah! Ah! Pourquoi pas? Donc, je m'excuse, mais Pitbull et Rihanna aussi sont pas loin, là. Ils font ça, puis c'est redondant pas mal, hein, en effet. C'est ça, c'était pour. C'était supposé sonner comme de l'anglais américain pour prouver que les Italiens aimeraient n'importe quelle chanson écrite en anglais, et c'est devenu un succès. La chanson, donc, délibérément, a essayé de sonner comme une chanson américaine pour des publics italiens, un public italien. Donc, les paroles étaient complètement n'importe quoi, avec l'exception du mot alright. Des mots alright. Son intention était d'explorer les barrières entre les différentes langues, les différents moyens de communication. Et tiens, je pense que tant qu'à s'écouter des affaires aujourd'hui... Ça sonne bon. Oui. You're the cold maze, say one prison call in 99 all. All right. Ça sonne un peu comme, tu sais, au primaire, les enfants qui essaient de parler en anglais en disant « toaster », tu sais, des mots comme ça, puis ils se pensent bien américains. Évidemment, c'était plus un succès à cause du beat que des paroles. Ah, c'est vraiment un hit des plus funky. Pas terrible, hein? Pas super, mais bon. Mais ça passe inaperçu, le langage. Tout à fait. Si tu portes pas attention, là, c'est sûr que tu te dis que c'est quelque chose. C'est sûr. À Istanbul, il y a une machine distributrice qui va donner de l'eau et de la nourriture pour les chiens en échange de bouteilles de plastique. Donc, les gens peuvent venir porter des bouteilles de plastique. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne idée, ça. Tellement funky. J'ai envie de faire bouger les épaules tout le long. Ah ouais? Oh, oui. Depuis les années 90, la ville de Carmel en Indiana remplace les intersections là, avec... Tu parles pas de Notre-Dame du Mont-Carmel? Non, absolument pas. Non, ni Carmel-Campagne. Absolument rien de tout ça. C'est pas une ville, ça! ils ont remplacé les intersections avec des panneaux... ils ont remplacé les panneaux de circulation... Pas les panneaux, excuse-moi, les lumières de circulation. Avec des carousels, les... comment t'appelles ça quand tu peux entrer et sortir? C'est comme un rond, là. Carrefour giratoire, voilà. Donc, on économise 24 000 gallons de gaz par année par carrefour giratoire. La construction, par contre, coûte 125 000 $ par intersection. Non, attention. La construction coûte 125 000 $ de moins par intersection. Et les accidents, les blessures ont descendu de 80 %. Ah, et, vraiment? Oui. Étonnant, parce que il y a du monde qui n'ont pas compris encore comment ça fonctionne un carrefour giratoire. Hein? Je pense que non, hein? À Trois-Rivières, les gens conduisent mal en plus, comme dit. Incroyable. Incroyable. Bref, 80% moins d'accidents et non, ça c'est le nombre de blessures et 40% moins d'accidents au total. Je pense que je suis déconcentré par le funk de la chanson Prison Calling and Ciencio Sol. C'est un peu trop. C'est un petit peu trop en même temps, là. Ensuite, en Suède, on s'en va en Suède tous ensemble. Que le plus grand modèle à l'échelle du système solaire au monde. En fait, c'est l'échelle de 1 pour 20 millions et ça fait 950 km dans le pays au complet. Vous pouvez voir le petit tableau des grandeurs sur assemblagerequis.com. C'est le Sweden Solar System qui est donc la plus, l'échelle permanente la plus grande au monde du système solaire. Le soleil est représenté par le Ericsson Globe à Stockholm. Et ça, c'est donc la bâtisse hémisphérique la plus grosse au monde, donc en forme de boule. Les planètes peuvent être trouvées donc à Stockholm. Et il y a d'autres planètes aussi qui sont situées plus au nord, dans d'autres villes, près de la mer Baltique. L'océan, est-ce que c'est une mer ou un océan Baltique? La mer. Voilà. Donc, le système qui a été organisé par Niels Brenning et Gustav Gamm. Et l'échelle est de 1 sur 20, pour 20 millions. Voilà. La raison pour laquelle les vieux livres ont un... une senteur particulière, une odeur. C'est parce qu'il y a des centaines de... des acariens. Ben, c'est ça, des trucs organiques dans les pages qui vont se défaire avec le temps et qui vont relâcher du chimique. Et ça sent comme les amandes, la vanille et le gazon. Il y en a qui aiment ça. Oh oui, ouais. Pas quand tu sais c'est quoi. Pas quand tu sais c'est quoi. Le groupe rock américain The Flaming Lips a sorti un album avec 4 CD qui était fait pour être joué simultanément sur 4 systèmes de sons différents. Les 4 CD produisent une harmonie des sons juxtaposés. Ça s'appelle Zerika. C'est le 8e album studio par le band The Flaming Lips, sorti le 28 octobre 1997. C'est donc 4 disques compacts. Chacune des 8 chansons consiste de 4 pistes stéréo, une sur chaque CD. Donc les 4 joueurs en même temps vont produire ce son-là. Et l'album donc est incroyable à entendre. Ça aurait absolument rien de faire entendre en radio parce que clairement c'est juste un haut-parleur, fait que vous n'entendrez pas les 4 affaires en même temps. Imaginez les 4 affaires en même temps, ça sonne la même affaire que du stéréo. C'est fait pour être entendu à différents endroits. Ben je sais pas. J'imagine. Si tu fais les jouer les 4 en même temps. Sur le site? Parce que t'as les 4 en même temps? Ben sûrement que ça. T'as pas de bien dur à trouver, ça. Aucune idée. Donc c'est Zairika, Z-A-I-R-E-E-K-A. Si je tape ça, ouais, tiens, on y va avec ça ici, voir, juste pour le fun. Flaming Lips, Zairika, 4 c'est en même temps. Quand tu veux. Where's 3 and 4? On va voir. Ok, c'est quelqu'un qui a enregistré ça dans son salon, on dirait. Ben, c'est ça que tu veux en même temps, entendre les gars en même temps. Hein? Et on dit dans les commentaires sur YouTube que la meilleure chose à savoir là-dedans, c'est qu'ils ont plus tard sorti une version avec 5 CD. Un 5e CD. Ça devient compliqué, là. Ouais. Et ça disait qu'il était le numéro 5 sur 10. L'expérience était supposée contenir 10 CD au complet qui allaient tous se compléter. C'est un vacarme, ça. Et normalement, si mettons, on écoute juste le normalement. Non, pas qu'une pub, par exemple. Je vais écouter normalement une chanson de comment ça sonnait. Et ça va commencer là, attention. Track number one. Ah, ok, il synchronise en disant one, piste numéro 1. Number 2, number 3, and number 4. Ah, et c'est vraiment les 4 synchronisés en même temps. C'est ce qu'on écoute là. Complètement l'effet en l'écoutant dans les guitares, je trouve. Ça te prendrait un système adéquat. Exactement. Mais bon. Mais c'est cool. Zairika de The Flaming Lips. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que j'essaie de parler par-dessus celle-là? On va essayer. Le président Andrew Jackson, qui transportait un petit collier avec une photo de sa femme décédée autour de son cou, sa femme Rachel Jackson, et il le mettait ce collier devant son lit chaque soir pour que ce soit la dernière chose qu'il voyait avant de s'endormir et la première chose qu'il voyait en se réveillant. C'est cute, hein? Président Andrew Jackson. Il y a un groupe de Holocaust Deniers, ceux qui nient que l'Holocauste a eu lieu. Ça existe. Quand ce groupe-là a offert $50,000 pour prouver que les Juifs ont été tués avec du gaz à Auschwitz, un survivant de ce camp de concentration, Mel Mermelstein, leur a envoyé une preuve définitive. Et lorsqu'ils ont refusé de payer les $50,000, il les a poursuivis et a reçu $90,000. La cour a simplement envoyé la note en disant « Ce n'est qu'un fait. » C'est pas quelque chose qu'on demande si c'est vrai ou faux, c'est juste un fait que ça a eu. Pendant la prohibition aux États-Unis, les marchands vendaient des briques de concentré de raisin avec un paquet de levure séchée. Yeast, hein, levure, j'ai retenu. Donc, ça venait avec une étiquette d'avertissement disant de ne pas mélanger la brique, la levure, de l'eau et du sucre dans un chaudron et ensuite de le sceller pendant plusieurs jours parce que sinon, ça va former un breuvage alcoolique illégal. Ben là! Mais faites-le pas! Mais là, c'est clair que tu le fais, voyons donc! Non, c'est pour contourner évidemment la prohibition avec de la concentration de raisin. Hein, on a parlé de concentration dans un camp avant, puis la concentration de raisin. Ça a du sens. On vient aux animaux de compagnie lorsqu'un chat devient agressif après une longue session de flattage. Ça peut vouloir dire qu'ils ont été stimulés sexuellement un petit peu trop. Et ensuite, s'ils sont agressifs, ça fait partie de leur comportement sexuel normal. Ah? Ah ben la surstimulation et on a parlé de la même chose avec un autre animal la semaine passée, je me rappelle pas lequel. C'était, il me semble que c'était un rongeur ou un oiseau. Je pense que c'est un oiseau que ça disait de pas le flatter trop longtemps, il me semble. Mais tu flattes pas un oiseau de toute façon. C'est ça, il y en a qui font ça. T'sais. Donc, c'est la surstimulation sexuelle. Le comité des prix Nobel a refusé de donner le prix de la paix, le Nobel de la paix, en 1948 parce qu'il n'y avait pas de candidat vivant qui méritait le prix. Donc, ils ont refusé de le donner. C'est supposé être un honneur à Mahatma Gandhi qui a été assassiné plus tôt cette année-là sans recevoir le prix. Donc, ils ont refusé de donner le prix en général parce que personne vivant ne le méritait. Ben, c'est correct, ça. Oui, c'est bien. Donne pas ça juste pour le fun. Exactement, voilà. Parce que t'es obligé d'en donner un. Tu devrais faire ça des fois... Non, cette année, c'est une année de merde, on n'en donne pas. C'est ça. Au début des années 1900, des courses à vélo qui duraient 6 jours étaient assez populaires. Le gagnant était la personne qui réussissait à faire la plus grande distance en 6 jours. Ils avaient très peu de sommeil et hallucinaient pendant qu'ils faisaient du vélo. Donc, c'était pendant 6 jours. Ouais. Niccolo Paganini, qui est selon plusieurs le plus grand virtuose du violon de tous les temps, était tellement bon qu'il pensait qu'il était le fils du diable. Ah ouais? Ouais, ou genre que son âme avait été vendue en échange de son talent, comme la chanson The Devil Down to Georgia. Donc, il était forcé à publier les lettres de sa mère, les lettres qu'elle lui avait envoyées pour prouver qu'il avait des parents humains. Eh, hey, voyons donc. Ouais, c'est au début des années. On a dit c'était quand? Non, on n'a pas dit c'était quand. Aux États-Unis, composer le 911 par ses fesses quand t'as ton téléphone dans la poche en arrière. Du bot dialing qu'on appelle, donc composer le 911 par accident, ça a mené à plusieurs arrestations, dont une variété d'arrestations pour trafic de drogue et, ou possession de drogue, et au moins un cas de meurtre que quelqu'un avait composé le 911 par erreur. Mais voyons donc. Causé par des objets dans la poche ou dans le sac, évidemment, composition du numéro de téléphone. Fascinant. C'est fascinant, en effet. Il y a plusieurs faits là-dessus sur assemblagerequis.com. Entre autres, un cas en Floride, un cas pour meurtre, où un des suspects avait présumément appelé le 911 dans sa poche et avait ensuite, évidemment, avoué son crime par téléphone. Un homme de l'Oregon a été accusé aussi de possession de drogue pour avoir fait la même chose. Et au Tennessee, on a attrapé 5 personnes qui faisaient quelque chose par rapport à des méthamphétamines, du meth. Il y a aussi 2 voleurs au Minnesota qui se sont fait avoir. Et un paquet d'autres exemples comme ça. Tu sais, quand t'es pas chanceux. Quand t'es pas chanceux. Il y a presque eu une émission animée, un dessin animé au sujet de Bruce Wayne qui serait allé à l'école secondaire avec des versions plus jeunes de différents personnages de Batman. Ça s'appelait Gotham High. Donc, un personnage évidemment connu pour les films, mais à la télé, il y a déjà des dessins animés de Batman sans cesse, mais celui-là était quand même assez différent. On montre Clayface, Two-Face, le pingouin. Je connais pas tous les personnages de Killer Croc, Batgirl, Batman, Catwoman, le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, Mr. Freeze. Donc, en adolescent à Gotham High. Pas sûr, hein? Une émission développée par un artiste de bande dessinée, Celeste Green, deux personnes, Celeste Green et Jeffrey Thomas, basée sur une image qu'ils avaient envoyée à DC Comics. Ça s'est perdu dans tous les autres projets de Batman qui se préparaient à ce moment-là, mais ils ont quand même posté quelques images sur leur blog, que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. T'aurais pas écouté ça, regarder ça? Non. Ça m'intéresse, ça. Pas à tout. C'est tout pour ce bloc-ci, tiens, ça finit bien, là, ça finit bien. On se fera un autre bloc de C'est un fait éventuellement parce qu'on aime ça apprendre des affaires, on aime ça écouter des extraits sonores. On aime tout, en fait. On n'est pas dur à convaincre, je trouve, à date. Pas tellement dur à convaincre. Pour l'instant, on prend une petite pause, par contre. Au retour, on va parler de la Luitre un peu, les matchs qui s'en viennent, la deuxième demi-finale et évidemment la finale de la saison 2014-2015 à Assemblage Rocky. Ça arrive vite. Ah, il en reste deux, là. Il reste combien d'émissions? Une quinzaine, je pense. On va compter ça, va. De spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est Assemblage Requis ce mardi 7 avril. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Normalement, à 7h30, le mardi, en début d'émission, tantôt, on aurait eu Sébastien F. Gertin, juste pour vous dire qu'il va être demain à l'émission à la place. Je l'avais pas dit tantôt. Voilà. C'est dit. Mercredi matin à la place, Sébastien F. Gertin. Mais tantôt, disons le campus, on va avoir Myriam Lortie, la rédactrice en chef, pour faire le tour du plus récent numéro. On a aussi Question Mille Grosse Pointe d'adresse. Un petit peu de C'est un fait encore pour quelques instants tantôt, mais vous avez ça, un petit peu de musique. par Purity Ring. Voici leur nouvel extrait, Push Pull. Push Pull? Push Pull, tu sais, push, tire, tourne. Push Pull, tu sais, push, tire, tourne. Je pense qu'il faut. Push, tu sais, tourne. Ah, j'aurais fait push, tourne, tire. Hein? Push, tourne, tire. Je pense que c'est ça la solution. La solution, c'est. Ouais. There was an echo far and faint beneath the air remained. You were young and you'd stare where my limbs hung far and fair. Make a ladder of what folds and climb up. C'est tellement bon, ce push ball. Ben, mais, hein? On va la réentendre souvent à l'émission. Là. Sans ses buts, on l'a pas. Ah oui, c'est bon, ça. Ah ouais, ici, ah ouais. Ah, c'était pas celle-là, c'est l'autre avant, je pense. Hein. C'est celle-là ici, je pense. Ça a l'air bon, pareil. Ouais, ça a l'air bon. On devrait réécouter l'album au complet. T'aurais dû faire un poste d'école pour une petite lâche, je pense pas. M'excuse! C'est pas de ma faute. On était dans C'est un fait tantôt. On chante plus la deuxième partie de l'intro, ça me tente pas des fois de chanter deux fois. La fumée qui sort en dessous d'une fusée, tu sais, quand on voit les lancements de fusées, les décollages de fusées, on voit de la fumée en dessous. C'est pas de l'exhaust, c'est pas comme un char, ça, c'est une fusée. Là. C'est quoi? Suivez un peu, c'est de la vapeur d'eau qui vient d'un bassin d'eau en dessous de la fusée, qui est fait pour absorber le choc acoustique, qui sinon pourrait complètement déchirer le vaisseau, la machine. La bête. Oh. Donc, on doit envoyer un bassin d'eau en dessous. Donc, au lancement, il y a 300 000 gallons américains d'eau. Des gallons américains, comme dans la mesure, et non pas des gallons d'eau américaine. Ça peut être de l'eau de n'importe où, j'imagine. Qui sont versés donc, sur le truc où on lance la fusée. Et puis, c'est ça, de la vapeur d'eau qui est générée alors que la fusée part, puis qu'il y a du feu, puis tout ça. Puis on connaît le principe un petit peu. C'est une grande quantité d'eau qu'on a besoin pour lancer une fusée. Mm-hmm. La faire décoller, c'est intéressant, je trouve. Yonsi, je sais pas si on le prononce Yonsi, Jonsi, le chanteur de Sigur Rós, le band de Sigur Rós, c'est un band islandais de Reykjavik. que j'oublie tout le temps comment le prononcer, mais il oublie les paroles. Reykjavik. C'est ça. Il oublie les paroles d'une chanson alors qu'il performait avec son groupe en France. Il a improvisé, il a continué à chanter en islandais. Je cite, oh merde, j'ai oublié les paroles, mais c'est correct que je suis en France, personne ne comprend de toute façon. Il a chanté ça en islandais. C'est tellement parfait. C'est bien, hein. Ah, j'ai ça quand je vois juste après qu'il y avait des clips vidéo parce que je veux l'entendre clairement dire ça. Clairement, ben, le nom du lien commence par Here's the video. Ouais, c'est ça, deux points avec un petit X, mais tu sais. Ça date de 3 semaines quand j'ai des retards dans mes liens. Ça devrait partir là. Oh shit! C'est difficile, j'ai oublié les paroles. Mais c'est correct. Parce qu'en France, personne ne comprend ce que je dis. Imagine les autres membres du band, là. Il doit vouloir rire, mais il sortit. Hein. Et c'est qu'il y a un fan dans la foule qui savait que c'était une phrase qui, tu sais, en islandais, puis qui l'a mis sur YouTube. Ouais, c'est ça, c'est quand même possible qu'il y ait des fans qui le suivent aussi du pays. C'est un petit inside. C'est très cool. C'est un bonus pour les fans. Ouais, j'aime ça. Ensuite, ça c'est très intéressant, c'est un jeu d'échecs flottant. Avec une base qu'on peut cacher dans un coussin, par exemple, pour vraiment maximiser l'effet. Donc, on voit ici, c'est fait avec des aimants, j'imagine. Il n'y a pas d'explication de plus que ça, mais quand même, on a un cercle, une genre de rondelle qui flotte dans les airs. Et puis, on installe un jeu d'échecs dessus. Et le tout tourne sur lui-même dans les airs. Et on a caché la base dans un oreiller, dans un coussin, pour pouvoir lui permettre de tourner. On peut même faire tenir des livres dans les airs. Oh. Là-dessus, bref, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Les scorpions qui sont très très résistants. Les scorpions, les scientifiques ont fait congeler des scorpions pendant toute une nuit. Ils les ont laissés au soleil le lendemain. Ensuite, ils ont décongelé et ces arthropodes sont partis comme ça, comme si de rien n'était, s'ils n'avaient pas été gelés. C'est cool, hein. Des vrais croquerelles. Des vrais croquerelles, en effet. Ce serait moins impressionnant dans Fort Boyard s'ils étaient congelés, les scorpions, hein. C'est plus facile un peu le jeu, je trouve. Ben, un petit peu, hein? Ça s'appelle la cryptobiose. C'est une capacité, un truc de survie, bref, qui permet aux scorpions de vivre dans les environnements les plus difficiles sur la planète. Un garçon de 10 ans a sauvé sa famille dans une voiture qui faisait de la vitesse. Après que son arrière-grand-mère soit tombée dans les pommes au volant, il a décidé de prendre le volant et le guider jusque dans dans de la boîte. Là, il y avait un genre de c'était un côté de rue boiteux, si on veut. Donc, le pied de son arrière-grand-mère était éventuellement quitté la pédale de gaz. Et donc, combiné avec la boîte et le fait qu'elle avait lâché la pédale de gaz, ça a arrêté le véhicule. Et lui, donne le crédit de ses aventures à son expérience dans Mario Kart. C'est comme ça qu'il a appris à conduire. Son nom, c'est Griffin Sanders. Mario Kart, en effet. C'est comme moi qui ai appris les règles du tennis avec Mario Tennis. Tu sais, Mario, en général, ça sauve des vies, puis ça crée des passe-temps. Voilà. Le tennis, mettons, parce que je pense pas que ça va sauver la vie de quelqu'un avec le tennis. On sait jamais. Un jour. Peut-être que s'il y avait une bête, quelque chose dans le coin, puis une bête de la grosseur d'une balle de tennis, c'est tu pouvais la frapper. Puis ouais. Un accident de tennis, c'est si vite arrivé. Si vite. Au Japon, il y a des monolithes qui datent d'il y a 600 ans qui disent aux gens de ne pas construire leur maison plus proche de l'eau que le monolithe, donc l'espèce de statue, si on veut, une genre de grosse pancarte en pierre, j'imagine, quelque chose comme ça. Bref, il dit de ne pas construire sa maison plus proche de l'eau. Après une centaine d'années, plusieurs personnes ont commencé à ignorer ces monolithes. Et devine ce que ça a donné? Non, mort. Ben, c'est ça. Et leur maison a été emportée par un tsunami en 2011. Voilà. Ça vous apprendra de ne pas suivre les monolithes. Voilà. Il y a une inscription, parlant de monolithes, une inscription au Yucca Mountain Nuclear Waste Repository, une place où on met les déchets nucléaires, qui serait supposée durer 10 000 ans. L'inscription, d'accord? Devrait durer 10 000 ans, avertissant les civilisations futures du danger en dessous de la montagne, parce que c'est évidemment une place où on met les déchets nucléaires. 10 000 ans, la pancarte. L'inscription. Je sais pas si c'est un monolithe. Ils ont écrit ça avec quoi? Ouais, je veux savoir ça. Mm-hmm. Je sais pas. John Wayne est mort d'un cancer de l'estomac. On suggère en fait que c'était causé parce qu'il filmait. John Wayne, c'est un acteur, on pense. Qui filmait du côté où, du vent. Dans le fond, il y a des armes nucléaires et le vent poussait d'un certain bord. Okay? Et apparemment, qu'il filmait downwind, donc du côté où le vent soufflait. Tu comprends? Donc, il recevait le vent pendant qu'il filmait son film. John Wayne refusait de croire que c'était ça qui avait créé, qui avait causé son cancer. Il attribuait ça à la place à la cigarette. Par contre, 90 autres personnes qui ont travaillé sur le même film ont aussi développé un cancer plus tard. Ah, c'est... Peut-être un lien. Ouais. Oui, c'est un petit peu naïf, le gars. C'est un peu Thomas. C'est un petit peu Thomas. On devrait l'appeler Thomas Wayne. De toute façon, il est mort. Il est mort, on va l'appeler Thomas Wayne. Wow. Dans 500 millions d'années, il n'y aura plus d'éclipse totale. Étant donné le fait total que... Total de quoi? De la Lune, du Soleil ou des deux? De la Lune, en fait. En fait, je crois que c'est les deux. Il n'y aura pas d'éclipse... Je recommence. Il n'y aura plus d'éclipse totale. Donc ça englobe les solaires et les lunaires, j'imagine. Étant donné le fait que la Lune drifte, donc que la Lune se pousse, elle se tasse un petit peu sur les côtés de plus le temps avance. Donc dans 500 millions d'années, on n'aura plus d'éclipse totale. Est-ce que ça se tient, tout ça? Ben, voyons donc. On peut différencier des bébés jumeaux identiques par rapport à leur nombril. Ah. Parce que le nombril est une cicatrice et donc c'est différent dépendant de comment ça a été coupé. Ça a du sens, là. C'est vrai. Ça a bien du sens. Ben, coupé, non. Comment ça a cicatrisé? Ça a cicatrisé. Parce que tu le coupes pas direct dans le nombril. T'as raison là-dessus. On reparle encore de musique. Le band Blink 182, qui à l'époque s'appelait seulement Blink, lorsqu'ils se sont formés. Ça, je le sais. Tu savais quoi? Le fait au complet, tu l'as vu? Okay. Je l'ai pas vu, mais je me doute pas mal c'est quoi, okay. Là, mais c'est pas grave, je te laisse aller. Donc bref, quand ils se sont formés, ils appelaient des écoles secondaires locales, ils essayaient de les convaincre que Blink était un groupe motivateur avec un grand message anti-drogue en espérant jouer à des assemblées d'étudiants lors des heures de dîner, etc. Est-ce que c'était ça le fait que t'avais? Hein? C'était ça le fait? Non, pas du tout. C'est quoi ton fait? Ben non, mais c'est parce que vu que tu parlais du nom, je pensais que t'allais parler de l'origine oui, du nom. Oui, j'avoue. Ouais, c'est pour ça. Mais non, je le savais pas. Mais est-ce que tu t'en rappelles de ton fait sur le nom? Ah, ben c'est juste parce qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait Blink. Ouais. Puis qu'ils ont contacté, puis ils ont dit, ben c'est parce que c'est notre nom. Comment? Puis ils ont juste pris un chiffre au hasard. Ça a bien du sens, C'est comme Galaxy 500 qui est devenu Galaxy, tu sais, parce qu'il y avait déjà Galaxy 500, c'est une sorte de. C'est un band aussi, ça. Vrai? Oh. Ah, ça c'est bizarre. Oh. D'habitude, c'est l'inverse, ça. Exact. Ensuite, le Walt Disney World Water Park, un parc aquatique, évidemment, donc River Country qui s'appelle, a été abandonné et a été laissé à pourrir, si on veut, depuis sa fermeture en 2001. Vous pouvez voir le parc aquatique en ruine complète, en photo sur assemblagerequis.com. C'est triste de voir ça. C'était un si beau parc aquatique dans les photos avant, alors que maintenant, ben, c'est rempli de sable dans le manège, puis je sais pas. C'est bizarre. Il y a même des pancartes, genre, qui interdisent de fumer, tu sais, qu'il n'y a pas de petits enfants permis, un seul invité par tube. Bref. Oh. C'est quoi ça, un tube? Comment... Justement, j'en ai acheté cette semaine. C'est bon, ça? Ben oui. Des tubes. Ben moi, j'ai des sacs au congélateur pour me faire des potsicles. Des mini-go aussi, des mini-go avec une cuillère en plastique plantée dedans dans le congélateur, c'est bon. Ouais, mais c'est parce que d'habitude, t'as des éditions où ils te donnent un petit bâton. Ah, je sais pas. Puis je sais pas, il est où mon petit bâton. Ton petit bâton? T'as perdu ton petit bâton? Chichio. On était dans cet effet, étrangement. En 2005, un dessinateur, cartooniste qu'on appelle, nommé William Ellis Green, a confronté un voleur qui était dans sa maison, dans sa propriété. Il a appelé la police, il a pris son crayon et son papier pour produire une caricature du voleur. Et là, je parle de caricature, tu sais, avec un énorme menton, là, comme une vraie grosse caricature, pas un dessin robot, là. La police l'a immédiatement reconnu du dessin et il a été appréhendé. Mais pour vrai, une caricature, tu sais, avec les petites oreilles sur le côté... C'est écœurant. C'est très cool. C'est vraiment le dessin du suspect qu'on peut voir sur la photo. William Ellis Green qui a signé ses dessins pour WEG, qui était un cartooniste éditorial australien connu, un illustrateur. Un peu comme les gens qu'on connaît ici, là, chose... Hein? Comment ça s'appelle? Une flotte de 29 000 petits canards de caoutchouc navigue dans les océans du monde depuis 1992. Mmh. Ouais, après être tombé d'un bateau de cargaison. Dans cargaison de canard. Cargaison de canard, canardaison, c'est ça. Donc, dans le milieu de l'océan Pacifique, les scientifiques essaient de retrouver, retracer le mouvement de ces canards-là pour en apprendre un peu sur les courants des océans. Ah. En suivant les canards, on peut en savoir plus là-dessus. C'est vraiment cool. Allez voir les photos encore une fois sur assemblagerequis.com. Mais c'est cool par exemple parce que les petits canards au moins ils ont des lunettes de soleil. Ça va les protéger leurs yeux quand ils vont être dans l'océan. C'est clair. Est-ce que tu connais Rook Wakefield? Non. Ça c'est en français, on l'appelle Ruth Réveille-Champ. Ok. Évidemment. Ouais. C'est elle qui a inventé le biscuit au brisot de chocolat. Elle a vendu sa... Vas-y. Je te salue, ma vie. C'est ça. Ma Ruth, qu'on appelle. Ma Ruth. Bref, Ruth Wakefield, qui a inventé les biscuits au Bruxelles au chocolat, elle a vendu sa recette à Nestlé en échange d'une cargaison illimitée à vie de chocolat. Oh, c'est un bon deal! Pas pire, ça. En 1937, ça se lègue bien, j'imagine. Je sais pas si tu peux léguer ça légalement. Faudrait s'informer à un avocat, mais j'aimerais pouvoir... recevoir ça comme... Donc, comme, en 19... héritage. C'est ça, comme héritage. En 1937, donc, Wakefield est en train de créer une batch de biscuits pour les invités de son auberge sur le bord d'une route. Elle a découvert qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, de pâtissier, chocolat de pâtissier, je connais pas trop ça. Donc elle a substitué ça avec des morceaux brisés de chocolat mi-sucré de Nestlé, s'attendant à ce qu'il fonde et qu'il soit absorbé par la pâte pour créer des biscuits au chocolat. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Le résultat surprenant l'a aidé à fabriquer donc une des inventions les plus célèbres du 20e siècle. Lorsqu'elle a enlevé sa plaque à biscuits du four, elle a réalisé qu'elle avait accidentellement inventé donc les biscuits aux brisures de chocolat. Elle appelait ça à l'époque les Toll House Crunch Cookies, nommé en l'honneur de son auberge Toll House. Mm-hmm. Évidemment, on connaît la marque maintenant. C'est devenu très populaire localement et ça a augmenté de popularité avec les années jusqu'à ce qu'elle vende ça à Nestlé. Andrew Nestlé et Ruth Wakefield ont décidé de signer un accord, un contrat. Nestlé qui imprimerait la recette de biscuits Toll House sur son emballage et Wakefield qui allait recevoir des biscuits, pas des biscuits, du chocolat à volonté à vie de Nestlé. Mmh. C'est pour ça qu'il y a encore la recette des biscuits d'origine sur l'emballage. C'est cool. C'est vraiment cool. Très, très cool. Un homme a poursuivi Pepsi quand il a trouvé une souris dans son Mountain Dew. Mais attendez, là, ça a l'air bizarre d'une même, puis vous dites, mais c'est normal, dégueulasse, mais attendez que je vous dise que c'est pas vrai pantoute. Parce que l'homme a poursuivi Pepsi pour avoir trouvé une souris dans son Mountain Dew, mais les avocats de Pepsi ont dit, sous serment, que du Mountain Dew va dissoudre une souris en 30 jours. Et ils ont réussi à prouver que ça faisait 74 jours que la canette avait été créée, embouteillée. Donc, il a perdu le gars. C'est génial. C'est malade, hein? Du Mountain Dew qui dissout une souris en 30 jours. C'est un peu dégueulasse. Ouais. Parce que tu dis que peut-être que dans ton Mountain Dew, maintenant, il y a une souris dissoute. C'est ça, tu sais. Est-ce que c'est comme encore pire? Ouais. Je sais pas. Puis tu peux même pas te défendre en cours. Hey, j'ai bu une souris dans ma canette. Non! C'est pas le slogan de Coke, ça, souris à la vie. Non, pour vrai. Je sais pas. Ouais, il me semble que ça me dit quelque chose. Un joueur de quilles amateur s'est presque tué en essayant de faire le match parfait, la partie parfaite, parce que c'est pas un match de quilles, hein. Une partie de quilles, ouais. Sports ball. Donc, 36 strikes à bas, je pense, de suite. Donc, il était de plus en plus... Il avait la tête qui tournait, bref, il suait, mais il en a fait 35, et lors de son dernier frame, peu importe comment t'appelles ça, il a laissé la dernière quille debout. Son docteur dit qu'il avait joué aux quilles malgré une attaque cardiaque qui demandait une chirurgie du cœur. Un stroke qu'on appelle un stroke en français, je me rappelle jamais c'est quoi, mais c'est une affaire de quille aussi. Fait que je cherche le mot, ça va chercher l'affaire de quille. Strike, stroke. Ouais. Mais bref, il y a eu une attaque cardiaque. Un petit peu trop fan, hein? Pendant qu'il jouait. Ouais, incroyable. Un petit peu trop dévoué. Il y a 6 assassins qui ont été envoyés pour tuer Monsieur Franz Ferdinand, le duc Franz Ferdinand. Ok, Autriche. Tu parles pas de. Du groupe de musique? Non, absolument pas. Donc, 6 assassins qui ont été envoyés pour tuer Franz Ferdinand en Autriche. Un était nommé Nadeljko Gabrinovic, qui a lancé une bombe qui a explosé sur la mauvaise voiture. Lorsque donc son assassinat a été un échec, il a échoué. Il a pris une pilule de cyanure, qu'on appelle? Cyanure? Et il a sauté dans la rivière. La pilule l'a seulement fait vomir et la rivière n'avait seulement 13 cm de profondeur. Donc, il n'a pas été capable de se tuer lui-même non plus. Le gars est un échec total. Epic fail. Wow. Et c'était toujours un mineur, donc il n'a pas été exécuté. Il a reçu une sentence de 20 ans de prison. Il est mort le 20 janvier 1916 de tuberculose dans une prison de Térésine. C'est quel matériau? C'est quoi ce matériau-là de Térésine? C'est un endroit. Évidemment, c'est une, en fait, c'est une ville allemande. Ah! Ouais. Je sais pas, dans ma tête, ça sonnait en terre cuite, comme. J'avoue. Tu peux te sauver de là. J'avoue. Prison en terre cuite. Prononciation tchèque ou en allemand. Non, sinon, c'est une ancienne forteresse militaire. Voilà. En République tchèque. Ouais, je corrige mes affaires au fur et à mesure. C'est en République tchèque. Le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, a servi lors de la Deuxième Guerre mondiale avec un pilote nommé Kim Noonien Singh. Il a perdu le contact avec lui après la fin de la guerre. Roddenberry a nommé le vilain Khan Noonien Singh en hommage à son camarade, en espérant que Singh allait le remarquer et qu'elle allait le contacter. Oh, c'est beau. Khan, qui a été créé pour la série originale Star Trek dans l'épisode Space Seed, nommé en honneur de son ami de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il n'y a jamais eu de nouvelles, finalement. C'est ce que je voulais savoir. Il n'y a jamais eu de nouvelles de M. Singh. Bon, c'est triste, finalement. Ouais, très triste. Et en 2007, le Minnesota a passé une loi anti-cigarette qui donc bannissait le fait de fumer en public, dans des bâtisses publiques. Il y avait une... attends un petit peu. Il y avait une ligne... Oui, c'est ça. Il y avait une ligne dans la loi qui disait que seulement les acteurs qui devaient fumer pour un rôle avaient le droit de le faire. Donc, le Barnacles Bar a déclaré que tout le monde dorénavant dans le bar était un acteur pour une performance en direct. Donc, ils filmaient ça, j'imagine. Et donc, ils pouvaient fumer dans un bar. Ah, les zones grises. Zones grises, en effet. Voilà pour ce bloc de C'est un fait. Génial. Fantastique. On a plein pour une autre fois. J'ai vraiment aimé le dernier. C'est cool. Je trouve ça très cool. Ouais. On a parlé tantôt dans ce bloc de C'est un fait de Galaxy et Galaxy 500. Pourquoi ne pas aller entendre l'extrait de Galaxy qui est sur le palmarès en ce moment? Voici Dragon. Au 80 FM, c'est fou! Yeah. Dragon! Ah, Dragon de Galaxy! Au retour de la pause, la chronique Zone Campus! On est ensemble jusqu'à 9h30 à Assemblage Requis sur CIF. Fou de folk! 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 7 avril 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et on essaie de vous réveiller un petit peu en ce mardi matin d'après congé. Difficile. Ah. Pour certains, ceux qui ont travaillé toute la fin de semaine. Ben oui. Ça, on s'en fait pas avec ça. Ça va bien aller, ça va bien aller. La journée va finir, après ça, l'autre après va finir, après ça, ça va être une autre fin de semaine. Voilà. Voilà. Donc, dans quelques instants, on reçoit Myriam Lortie et le son de campus, l'avant-dernier numéro de la saison 2014-2015. Mais avant ça, j'ai envie d'aller écouter une pièce que tu nous as fait découvrir dans le poste d'écoute. Ah ouais? C'est Two Gallants. Ah oui! C'est le groupe sur leur album We Are Undone. Voici Fools Like Us. Assemblage recul. De Two Gallants, une découverte du poste d'écoute qu'on fait le jeudi matin à Assemblage requis et Stéphanie Paradis. What? Maintenant, ça nous amène à parler du plus récent numéro de Journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et on reçoit Myriam Lortie, rédactrice en chef du Journal Zone Campus. Bonjour à toi. Est-ce que t'es celle-là ici? Ils sont jamais dans le bonheur de ces temps-ci. Ah, est-ce que j'ai pris le bon micro? Ouais, ouais, c'est tu l'as pris le bon, parce que les gens les mêlent de ces temps-ci, puis à chaque fois je le dis, puis je me dis, je devrais le placer. Ah, mais il est dans l'or. Oui, dans l'ordre de déplacement même. Donc, on est mardi de Pâques, là, Mathieu. C'est ça, ça explique tout, ça explique tout. Donc, Zone Campus, le plus récent numéro qui sort aujourd'hui, mardi, et qui, en couverture, met en vedette les gagnants des élections. Les gagnants, ceux qui ont remporté l'élection. Oui, oui. Oui, ben, on en a beaucoup parlé du processus électoral de la GE UQTR, et là, les gagnants sont dévoilés. Ça fait quand même deux semaines de ça, mais le journal paraît aux deux semaines, donc peut-être que vous saurez déjà qui sont le conseil à l'exécutif. Ouais. Mais donc, on a un article qui fait un retour là-dessus. Si on n'était pas là-dessus, il n'y a pas grand monde qui saurait grand-chose. Et je ne sais pas si tu te rappelles, je pense que j'en avais parlé dans une précédente chronique. Jérémy Gosselin, le directeur général des élections cette année, visait un taux de participation de 15 % ouais. contrairement à 6 % l'an dernier. Et ils ont atteint leur objectif. C'était un taux de participation de 16,17 %. Wow! C'est très bien. C'est quand même... je sais pas, les autres années d'avant, là, c'était quoi le taux de participation? Ah, ça a toujours été dans le coin des 10 et moins. Mais je pense que c'est quand même assez bon. Donc, ils étaient fiers de ça. Je peux peut-être nommer rapidement qui sont les élus. Jonathan Clermont, secrétaire général à 89 %. Noémie Bélanger, aux affaires académiques de premier cycle à 90 %. Alexandre Nana à 91 % aux affaires de cycle supérieur. Cathy Simon aux affaires socio-culturelles. Elle était contre quelqu'un. Les autres, ils étaient tous seuls à, ouais, tout seul à leur poste. Gagnant par défaut. Cathy Simon était contre quelqu'un, mais elle a été élue à 57 %. Archange Codeau, même chose. Il se présentait contre quelqu'un à la vie associative et à l'environnement. Il a été élu à 49 %. Chloé Cano, qui est journaliste en ce moment aux Zones Campus, mais plus qui devra longtemps quitter ses fonctions bientôt, a été élue à 91 % vice-présidente aux communications de la GE. Et Myriam Beauchamp, qui est en ce moment aux affaires socio-culturelles, a été élue à 91 % aux finances et développement. Et donc, tout ce beau monde entrera en fonction à partir du 1er mai. Donc, ça s'en vient. Et là, il y a toujours le poste de vice-président et de vice-président aux affaires socio-culturelles et président qui sont vacants. La période de mise en candidature se termine ce vendredi. Il va y avoir un débat à la Chasse-Galerie le 20 avril. Et on reçoit les candidats le même jour à Assemblage Requis, en passant. D'accord. Et il y a encore le vote en ligne pendant une semaine, comme la dernière fois. Et on va connaître les résultats. Là, malheureusement, le dernier journal va déjà être sorti, mais ça va être le 24 avril à midi à la Chasse-Galerie. Voilà, on va évidemment suivre le dossier. On va sûrement en parler Zone Campus quand même à quelque part sur les médias, réseaux sociaux. Oui, il faudrait qu'on fasse ça. Ouais. Donc, allons-y dans les actualités avec l'Assemblée générale spéciale de grève expéditive qui a eu lieu le 27 mars. Oui, bien ça aussi, c'est il y a deux semaines, même journée que le dévoilement du résultat des élections. Il y a eu 1100 personnes qui se sont déplacées. Il y avait une Assemblée générale spéciale. Le seul point à l'ordre du jour était la grève. Il y a eu une proposition de faire une grève d'une journée, le 2 avril, qui était jeudi dernier, pour participer à une manifestation qui était organisée par l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante à Montréal, contre l'austérité et autres mesures. Et ça a été... Dans le fond, il y a eu à peu près 5 interventions. Il y a eu la question préalable, tout de suite été demandée, à savoir si les gens étaient prêts à voter. Les gens étaient prêts à voter, après contre, 5 interventions. Mais ouais, c'est ça. Ça a été voté à majorité. Ils ont refusé à majorité la journée de grève. À majorité, je pourrais dire que c'était une faible majorité parce que... En tout cas, moi, j'étais en haut. Visuellement, t'as vu que c'était proche. Mais ça se ressemblait. C'était peut-être... je veux pas avancer des chiffres, là, mais c'était peut-être 40-60. Okay, ouais, ouais. Mais assez pour que ça passe pas. Puis l'autre nouvelle est un peu la continuité de celle-là, mais justement, la manifestation du 2 avril, il y a quand même des étudiants qui y sont allés. Dans le fond, en Assemblée générale, cet automne, la GE s'était positionnée contre l'austérité. Donc, ils ont à organiser des activités en ce sens-là. À fournir le service. Si les gens veulent s'en servir, ils peuvent le prendre. Oui, mais donc c'était déjà organisé avant la tenue du vote de grève de se rendre à cette manifestation-là. Mais là, il y a eu 80 étudiants, donc deux autobus du campus ici de l'UQTR qui se sont rendus là-bas. Au total, 5 autobus de Trois-Rivières. Il y en avait deux autres aussi du cégep de... Non, deux du mouvement communautaire à Trois-Rivières et une du cégep de Trois-Rivières. Il y avait peut-être 50 000 à 75 000 personnes à cette manifestation-là. Puis, selon Jean-René Leblanc, qui est en ce moment vice-président aux affaires sociopolitiques, Mais c'est ça, c'est la plus grande mobilisation depuis le début de l'année. Là. Souvent, il y avait des autobus d'organiser puis ils les annulaient parce qu'il y avait un manque d'inscription. Là, il y en a eu deux. Et je lui ai demandé comment il voyait ça. Puis selon lui, c'était un bon départ pour une mobilisation parce que selon lui, il croit que le mouvement... Il prévoit que le mouvement va prendre de l'ampleur d'ici l'automne prochain. Ben, on va suivre ça. On se le demande, c'est une question à se poser. Oui. Ensuite, des stages en éducation, journée d'action pour les étudiants en enseignement. Oui, ben un peu encore dans le même sens, des coupures et tout. Ben en fait, c'est les stagiaires en enseignement. Eux, ils enseignent à temps plein, mais ils sont pas rémunérés pour ça. Et donc, le vendredi 3 avril, il y avait environ 100 000 étudiants qui se sont mobilisés au Québec, dont les étudiants en enseignement ici à l'UQTR qui portaient des chandails de la CRE, qui est la campagne de revendication d'action interuniversitaire pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage. Et donc, ce qu'ils revendiquent, c'est de recevoir une compensation financière pendant la durée de leur stage et peut-être une compensation additionnelle qui serait inspirée des règlements de l'aide financière aux études quand le stage s'effectue en dehors de la ville. Comme exemple, si tu dois aller faire un stage à Québec, il faut que tu payes deux apparts en même temps, en plus de ne pas avoir de revenus, puis de travailler à temps plein, puis de ne pas avoir le temps de travailler pendant que tu fais ton stage, ça commence à être difficile financièrement. Tout à fait. CREC est sûrement un acronyme qui a été trouvé avant de trouver même la signification des lettres. Probablement. Je ne sais pas l'histoire derrière ça. Histoire intéressante ici, c'est la construction d'un escalier reliant le pavillon Michel Sarrazin avec la rue Sainte-Marguerite, un endroit assez dangereux. Oui, c'est un projet, finalement. C'est les étudiants de l'Association des étudiants du Michel Sarrazin, donc en bas, le pavillon... loin de tous. Lointain, en bas du campus. Ils se mobilisent afin de recevoir l'appui des services aux étudiants dans le but de déposer au service de l'équipement de l'Université du Québec à Trois-Rivières un projet de construction d'un escalier qui relierait le pavillon Michel Sarrazin avec la rue Sainte-Marguerite. Il y a environ 300 étudiants et employés qui ont signé la pétition. Ouais. Et c'est pas un projet qui est nouveau, ça a été maintes et maintes fois reporté, mais aujourd'hui, avec cette nouvelle vague d'étudiants et de membres du personnel qui se mobilisent, la EMS espère que le projet va pouvoir être mené à terme. C'est vrai que pour l'avoir emprunté, ce chemin-là, peut-être vous aussi. C'est que il y a une côte, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de marche, c'est glissant surtout l'hiver, puis il n'y a pas d'espace pour marcher nécessairement, puis c'est en pente en tout cas, fait que c'est vrai que c'est quand même dangereux, à mon sens. Mais tu sais, étant en étant un petit peu trop réaliste, là, c'est bien plate à dire, mais ça va prendre un décès avant que ça se passe. Oui, puis ça, c'est un gros projet, puis ça coûterait sûrement super cher, mais... Oui. Ben, malgré que c'est pas juste une question de sécurité, c'est une question que les gens passent déjà dans la côte. Ouais. Tu sais, fait que rendu là, ça brise le gazon de toute façon. Parce que tu passes déjà dans la côte, fait que la piste est déjà faite. Là. Mettez des marches là à place. Mais ouais. En tout cas, attendez de voir. Vous signerez la pétition. Dans l'éditorial de Sébastien Yves-Gertin, on peut en parler un petit peu plus en détail parce qu'on va l'avoir à l'émission demain à la place d'aujourd'hui. Donc, c'est le mouvement anti-austérité, la vacuité est le titre. Oui, ben en fait, et l'éditorial et la chronique actualité parlent du vote de non-grève, finalement, qui s'est tenu le 27 mars. Je peux peut-être vous lire juste son premier paragraphe. Comme tout le monde le sait, le vote de grève à la GEUQTR a vu le non triompher confortablement. Ceux qui ont lu le précédent éditorial ne seront pas étonnés d'apprendre que le résultat ne constitue en aucun cas une surprise pour l'auteur de ces lignes, qui est Sébastien Gertin. Oui, on va lui parler, comme je disais, demain à 7h30, mercredi. Ensuite, on parle de la quatrième édition de Ma thèse en 180 secondes. Le grand gagnant du concours est Alexandre Williot. Williot, j'imagine, en doctorat en psychologie, qui a remporté, qui va se rendre à la finale nationale. Williot, comme on dit. Dans la recherche à l'UQTR, les algues, une nouvelle alternative. On parle avec un étudiant à la maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques. Oui, mais en fait, il cherche une alternative au carburant. Donc, lui, ses recherches se tournent vers les algues. Il est étudiant, comme tu l'as dit, à la maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques. Il étudie les cellules algales. Et il concentre ses recherches sur la transformation d'algues en biocarburant. Puis il expliquait dans l'article qu'il y a environ 3 générations de biocarburants. Il y a une première génération qui était basée sur la transformation de produits alimentaires comme la canne à sucre et le betterave à sucre. Ah. Peut-être qu'on peut mettre ça dans notre voiture. Ouais. Mais en fait, ça a des conséquences néfastes sur le marché de l'alimentation parce que l'engouement pour les produits augmente leurs coûts. Après ça, il y a une deuxième vague qui se concentrait sur des déchets forestiers. Sauf que là, ça dépend de l'exploitation des sols et ça peut entraîner la dégradation à long terme. Et là, finalement, il y a les micro-organismes qui n'ont pas d'impact sur les produits agricoles et qui s'affranchit de l'exploitation des sols. Donc, peut-être une alternative intéressante. Bien sûr, bien sûr. Et Génie, les matériaux lignocellulosiques, c'est la sœur d'Anne-Marie, ça, je pense. dans Anciens étudiants, que sont-ils devenus? De l'implication étudiante à l'engagement communautaire, on parle avec Marie-Lyne Audet. Oui, elle est diplômée, elle a fait un baccalauréat ici en histoire à l'UQTR et une maîtrise en études québécoises. Encore là, c'est un parcours qui... dans le fond, quand on étudie en histoire ou en études québécoises, je pense qu'on ne sait pas exactement peut-être ce qu'on peut faire après. Ouais. Puis elle, c'est surtout son implication, bien pas surtout, là, ses études aussi, mais il y a beaucoup de son implication étudiante pendant son parcours, parce que je sais qu'elle était aussi impliquée à la GE, ouais. QTR, entre autres, qui l'a aidée après dans son travail actuel. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant de voir ses parcours. T'as fait allusion tantôt à la chronique actualité. Ben ça, c'est l'actualité démystifiée avec Marie-Odile Richard. Oui, qui nous parle aussi du vote de grève. Il ne faut pas oublier que les élus, ce devraient être les représentants du peuple, un peu plus mal informés, à qui nous avons le devoir d'ouvrir les yeux. Et voilà, elle nous fait un retour sur le vote qu'il y a eu. Oui. On passe en société. On a comme toujours 5 chroniques. Débutons avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Oui, professionnellement, l'un des facteurs prioritaires dont il faut tenir compte dans la satisfaction au travail est le niveau de motivation intérieure. C'est-à-dire, comment est-ce que la personne fait ses occupations de façon à ne pas tant chercher à les réaliser pour des raisons extérieures à elle, mais plutôt pour l'intérêt ou le plaisir qu'elle y retrouve. Ah. Motivation intrinsèque. Ah, c'est bien. Le monde en question, Jocelyn Aubut et Sheila Gaudreau, toujours en train de brasser des trucs religieux. Oui, priver l'arbre de ses racines. Nous disent, avez-vous déjà éprouvé la joie de dénicher un mot qui exprime une réalité que vous perceviez mais que vous étiez incapable de nommer? Le genre de mot qui vous évite d'avoir recours à un de ces abominables choses à faire. Tu sais, la patente, là. Ce sont de véritables merveilles. Récemment, j'ai eu la chance de tomber sur un de ces petits bijoux. Ce mot qui a su réjouir mon âme, c'est doxa. Allez voir ce que ça veut dire, mais ça vient. Ben en fait, je peux vous le dire, c'est ensemble des opinions et présuppositions communément admises d'une société donnée. Ah d'accord. Dans l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles, Christina Monfait-Fortin nous parle des gourmandises d'une promeneuse estivale. Oui, elle nous dit « Parmi mes restants froids de catholiques baptisés non pratiquantes, Pâques demeure toujours une zone de tiraillement idéologique. Comment résister au plémum religieux toujours aussi grandiose? Regarder Jésus de Nazareth en mangeant trop de chocolat me donne un frisson de nostalgie à chaque fois. En fait, Pâques m'apparaît être le marqueur officiel de la fin de l'hiver. Ça y est, nous pouvons passer à autre chose. Mon prénom m'y prédestinait. À Pâques, moi aussi, je réussis. Ah, Christina, j'imagine que c'est ça. Eh ben, une autre qui s'est emportée. Changer la vie, Normand Leclerc nous demande, sommes-nous des philosophes ou des misologues? Oui, chroniqueur de l'Université du Troisième Âge, dans ma façon de comprendre la réalité, un philosophe est une personne qui accorde la primauté à la raison. Cette même raison désigne notre capacité à connaître. Définir l'être humain comme un homo sapiens, c'est-à-dire un être qui connaît, c'est reconnaître que tout être humain est essentiellement un philosophe. Ou du moins, devrait l'être. Ah, et on termine avec Jean-François Veilleux. Je me souviens au pouvoir citoyen. Il nous fait une brève réflexion sur l'art noir. Oui, il nous dit le 22 mars dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, près de 500 personnes se sont déplacées à Trois-Rivières pour faire entendre leur voix. Ils seront aussi plusieurs milliers à Québec le 11 avril prochain pour la marche Action Climat, une manifestation à l'échelle du pays contre les changements climatiques. En cette année d'élection fédérale, prenons le temps afin de réfléchir très sérieusement sur notre dépendance à l'or noir. Mmh. On passe en art et spectacle avec Université en spectacle qui avait lieu en fin de semaine dernière. Oui, il y avait 8 universités qui étaient représentées à Université en spectacle. C'est Université Laval qui a gagné avec un slammer qui était... J'ai assisté au spectacle. C'était vraiment très bon, puis ouais. Normalement, je suis pas tellement portée à apprécier à sa juste valeur le slam, mais il était franchement impressionnant, puis il y avait un débit très, très, très rapide, il s'est jamais enfargé, puis ce qu'il disait aussi était intelligent, c'est Thomas Langlois à l'Université Laval. Ben, bravo. Et l'UQTR, malheureusement, ne s'est pas classé sur le podium. Ah, c'est pas parce que t'es sur ton terrain. Une vraiment belle prestation aussi de la Montagne et Blanche. On dirait plus que je réentends leur composition, plus je les apprécie. Oui, le groupe d'Olivier Lessard qu'on retrouve les lundis matins quand on n'a pas congé à Assemblage Requis. Chroniqueur. Oui. Ensuite, toujours en spectacle, le colloque de la relève en loisirs à l'UQTR qui avait un porte-parole engagé. On l'appelle Biz. Oui, mais Sébastien Fréchette de Le Colocast. C'est le chanteur, vous voyez probablement qui c'est. C'est un ancien étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis c'est une personne qui était bien choisie pour être porte-parole de ce colloque parce qu'il a étudié au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, et il a aussi fait une maîtrise ici et même pensé au doctorat. Fait qu'il nous fait un petit retour sur ce que ça lui a fait de revenir ici à l'UQTR. Les corridors, chaque coin de corridor a un souvenir, c'est ça qu'il dit. Mais il y a eu un très beau passage, puis encore une fois, ses études lui ont servi après. Je savais pas qu'il avait une maîtrise, cet homme. Intelligent, vraiment. La Luitre a célébré son 10e anniversaire. On a rendu hommage au fondateur Simon Belle-Rose Veilleux. Oui, il y a eu la levée de son chandail lundi 23 mars dernier. Et dans le fond, c'est un retour. C'est ça, c'était la 10e année cette année de la Luitre. Et un petit retour là-dessus. Oui, il reste encore deux matchs. Il y a la demi-finale numéro 2 lundi prochain. Le dans laquelle je joue, d'ailleurs. C'est ça, les Bleus contre les Verts. Et après ça, la finale la semaine suivante. La grande finale avec le gala Mollusque. Oui, les remises de prix qui sur les recrues de l'année. Les joueurs. Exact. Ensuite, les chroniques, qu'on a à faire, il y en a 4. En art et spectacle, commençons avec Félix-Antoine Désilet-Rousseau et dans les lunettes du frisé, qui nous fait le blues du livre. Oui, c'était le salon du livre qui s'est passé dans les deux dernières semaines et il nous dit... il nous parle et du salon du livre et des coupes en éducation aussi. Ouais. Mm-hmm. Oui. Ben oui. C'est parce que sa chronique est souvent en deux parties. Ouais. La petite étoile est cachée dans le coin. Oui, c'est parce que j'allais vous lire son premier paragraphe, mais c'est comme un sujet amené. Il parle pas du salon du livre, mais sa chronique parle aussi du livre, génial, entre autres. Ensuite, la chronique littéraire de Camille Durand-Plourde, Mange-Lie M, qui nous parle du livre Ouvert l'hiver de Sébastien Dude. Oui, en fait, j'en ai pas parlé ce matin là encore, mais il y a Sébastien Dude qui a étudié ici, qui est au doctorat ou au post-doctorat, je suis plus certaine. Qui était chroniqueur aux Ondes Campus et à Assemblage Requis aussi. Aussi, et correcteur, je crois. Oui. Campus, qui vient de lancer son recueil de poésie, Ouvert l'hiver. Donc, on a couvert et le lancement. Il y a aussi la critique de ce dit recueil, qui est très beau en passant. Oui, très beau. C'est Camille Durand-Plourde qui fait la critique. Ensuite, toujours dans les chroniques, La Petite Ténébreuse, Michel Robitaille, qui revient sur Tchernobyl, catastrophe nucléaire en Ukraine. Oui, toujours d'actualité, mais pas de la même année. Non, on s'entend. Donc, le 26 avril 1986, l'Ukraine. Ça dépend des gens. Vivait la plus grande catastrophe nucléaire jamais répertoriée à ce jour. Le village de Pripyat allait vivre la fusion du cœur du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La fusion survient après un exercice visant à établir l'efficacité de la centrale à se relancer d'elle-même après une perte totale du réseau électrique. Exercice qui allait avoir des conséquences terribles. Ouais. Dans le cinéma d'aujourd'hui, Louis-Étienne Villeneuve nous parle de deux films comme toujours, Still Alice et Le promeneur d'oiseaux cette fois-ci. Il y a aussi les films qui s'en viennent prochainement au tapis rouge. Je sais qu'il a beaucoup aimé Still Alice et pas du tout Le promeneur d'oiseaux. Ah bon? J'ai bien aimé quand il dit un film qu'on aura tôt fait d'oublier. Ah bon? C'est assez clair, tout, comme opinion. Toujours en art et... Non, on a terminé les arts et spectacles, il n'y en a pas d'autres. Il y en a plein d'autres, mais... Il y en a plein d'autres, mais pas à la chronique, ça m'a On les dit pas. En loisir, on a toujours l'illustration d'Alexandre Laramise Wiki à la confesse qu'il veut. Cette fois-ci, on parle au Lapin Pâques. Oui, à ma grande joie. Oui, c'est ta suggestion, je pense. Oui. Bah, dis-gars, hein? Il y a des privilèges. En sport, on débute en cheerleading, c'est ce qui fait la couverture des sports. Championnat régional, le podium pour les Pats. Oui, ils sont arrivés en deuxième position au championnat régional universitaire de cheerleading qui s'est passé à l'Université Laval le 28 mars dernier. Ils ont eu un total pour leurs deux prestations de 161 points. Et la formation Trifluvienne s'est retrouvée seulement à un demi-point de la première place qui est tenue par l'Université de Montréal qui ont eu 161,5 points. Ça, ça arrive. C'est vraiment pas loin de la première place. Puis sur le classement du podium universitaire, ça les a amenés en troisième place du classement général derrière l'Université de Montréal et l'Université Laval. Ouais. En crosse au champ, oui, c'est ça, on est rendu à la fin de la saison. Il n'y a plus de sport genre comme le hockey. Ben, fait qu'on parle de crosse au champ. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. C'est juste qu'à l'habitude, on en parlerait moins. Et là, on en parle beaucoup. Ils sont en mode recrutement pour cet été. Oui, ben en fait, il n'y en a pas pendant l'hiver. Donc non, c'est ça explique aussi pourquoi on n'en a pas parlé. Aussi. Mais ils ne font pas officiellement partie des Patriotes. En fait, ils représentent l'UQTR, mais dans le réseau RSEQ, il n'y a pas de crosse au champ. En tout cas, du moins pas pour l'instant, mais là, ils vont être en période de recrutement bientôt. Donc, si ça vous intéresse, là, c'est le sport là, avec comme le bâton puis le grillage aux bouches. Oui. Voilà. Ça t'intéresse-tu, ça? Ben, je trouve ça cool comme sport, en effet. Ça, puis le rugby. Là, c'est cool. Pourrais t'inscrire. Non, mais je vais regarder un peu, mais pas plus que ça. Pour terminer en sport, c'est le hockey. C'est le retour sur la saison qui vient d'avoir lieu. Oui, ben aussi peut-être plus tourné vers l'avenir. Oui. Parce que là, il y a 5 vétérans qui quittent. Guillaume Nadeau, Olivier Hott, Tommy Tremblay, Billy Lacasse, Jason Rajotte. Et là, donc, il faut remplacer tout ce beau monde. Mais il y a un bon coup déjà pour le moment, ben, entre autres, là, mais un ancien produit de l'Organisation des Canadiens de Montréal, Philippe Lefebvre, qui va jouer ici avec les Patriotes de l'UQTR. En fait, ça fait un an qu'il est comme arrivé ici ou qu'il fait partie des Patriotes, mais il ne pouvait pas jouer. Étant donné qu'il avait joué pour les professionnels, il fallait qu'il laisse passer un an. Ah oui. Donc là, dès l'an prochain, il va jouer avec la formation de hockey. Et en plus de ça, il y a 3 joueurs qui sont issus de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se joignent à l'équipe. Et il y a entre autres le gardien de but qui s'en va, donc il va falloir aussi le remplacer pour accompagner Francis Desrosiers. Puis ils veulent rajouter peut-être aussi un troisième gardien de but pour assurer comme plus de sécurité, ouais, surtout vers les matchs à la fin de l'année en série puis en championnat. Un plan B, un plan C. Ouais. Tout à fait. Exact. Donc voilà pour les sports et voilà pour le Zone Campus. C'est le volume 10, numéro 15, l'avant-dernier de la saison 2014-15. C'est du 24 mars au 6 avril qu'on retrouve ça en kiosque. Donc aujourd'hui, plus tard dans la journée, on fait en avant-midi sur le campus et en après-midi sur nos différents points de chute. Donc les cafés, les restaurants dans la ville de Trois-Rivières, on peut retrouver avec la une la belle gang de la GEQTR. En tout cas, la partie qui a été déterminée jusqu'à maintenant. Il en reste d'autres, comme on l'a dit. Oui, dont le président et non le moindre. Ils n'auront pas leur photo sur la couverture du Zone Campus. Non, voilà. Le dernier numéro sort le 21 avril. Ouais. Donc, on va se retrouver encore une dernière fois. Oui, le 21, avec nous en studio à 8h30 le mardi. Merci, Myriam Lortie. Merci à vous. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine. Toujours sur cette phrase de fin de et journée. Et bonne lecture. Et ben oui, ton bonne lecture. À chaque semaine, quand elle écrit son mot de la rédactrice, Myriam finit par bonne lecture. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de mon mot de la rédactrice. C'est le dernier droit, parce que là, c'est vrai qu'il en reste. C'est pas fini. Mais des fois, elle se demande si elle met un point, point d'exclamation, des points d'interrogation, multiples. Points. Tu vas me sourire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est l'émotion de ton bonne lecture est très importante. Moi, je trouve ça bête. Un point. Un point, c'est vrai. Je pense que c'est un point cette semaine. Trois petits points, c'est condescendant. C'est genre, c'est comme, ben là, bonne semaine. Ouais. Bonne lecture. Comme. Non, c'est comme réflexion. Je l'ai jamais fait encore, trois petits points. Ça viendra. Ça viendra. Point d'exclamation, clin d'œil, clin d'œil. Mais je suis sûre qu'avec les messages textes puis tout ça, on a comme tellement accordé d'importance à comme point d'exclamation, trois petits points. Est-ce qu'on avait MDR, des kicks LOL. Genre secondaire? C'est tellement important. Même petit cœur sur les i dans toute ta chronique. Ah, bonne lecture, lol. Me semble, genre. Ah, ça va faire le Zone Campus. Merci, Myriam. Mais merci, Assemblage Rocky. C'est ça. Au retour de cette dernière pause de l'émission, ça va être le moment de la chronique où on se met quelque chose dans la bouche et on se dit après ça, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas? Puis après ça, on parle de nouvelles de fast-food. Ça s'appelle une grosse pointe à l'adresse. Ça s'en vient juste après ces messages d'importance primordiale, toi. De passion. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en ce mardi 7 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour avec moi tantôt pour la chronique Une grosse pointe à l'adresse. Mais j'en profite pendant que je suis seul pour faire jouer une pièce que je pense pas qu'elle va aimer. C'est une nouvelle entrée des deux pouilles en cavale. Voici Gris Pain. Au 81 FM, c'est fou.

Hot Dog Krispy Kreme. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as vu celle-là? Oui, ouais. C'est affreusement dégueulasse. Ouais, hein. Donc, c'est Krispy Kreme qui s'est assemblé, voilà, avec Wilmington Blue Rocks, une équipe de baseball des ligues mineures, pour commencer à vendre ce bacon hot dog donut dans leur de baseball. Si ça a du succès, Krispy Kreme pourrait amener ça un petit peu partout au pays. Et ensuite, j'imagine qu'on pourrait avoir ça au Canada. J'ai vu des places qui vendaient du Krispy Kreme. Il y en a quand même. Et si ça n'a pas de succès, ben Colin, vous allez le regretter peut-être. Parce que ça a l'air spécial. Tu dis ce qu'il y avait là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'était, est-ce que c'était un beigne en forme de hot dog. Puis dedans, si je me trompe pas, c'est... Moi, je sais qu'il y a du bacon, c'est pas de la confiture. Ouais, ouais, ouais, il y avait de la confiture, ça, c'est certain. Il y avait... Trop d'affaires. Ouais, trop d'affaires. Bref. Crise cardiaque, certain. Une crise cardiaque. Voilà, je pense que ça va faire pour une grosse pointe d'adresse. C'est la fin de l'émission, déjà. Ça mais passe donc, vite, je sais. Mais oui! C'est déprimant, pareil. Il en reste combien? 14 après celle-là? Ouais! On est-tu rendu à compter les jours qui restent avant la fin de la session? Et d'abord, je pense que ouais. Oui. Mais on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 pour une édition complètement en direct d'Assemblage Requis. Oui, on est toujours là, du lundi au jeudi, à 6h30, en direct à partir de 7h30. Demain, à l'émission, on sera mercredi. On va avoir Sébastien Vigartin en case horaire spéciale. On aura aussi Cindy Gilbert et la chronique Crackpot TV de Frédéric Bernard. Restez sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, c'est Matière Noire avec du métal progressif et de la musique obscure. On avait aujourd'hui Myriam Lortie sur le campus. Merci Myriam. Merci à toi Steph Paradis. Merci Mathieu Plante. Et on se quitte puis on se retrouve demain à 6h30. Okay. Voilà. Bye. Bye. Bye.